maudite attitude de route sur le bitume. Pour ce qui mène l'habitude, pendant que ça fait l'écriture. Laisse croire, on a besoin d'espoir. Je regrette mon pet et je regrette mon RS3. J'en alcoolisé, on cherche la mise vers le bazar. J'ai revu un plan, c'était croisé par hasard. J'ai croisé les Schmitt en Vespa, ils m'ont levé l'antiparasite. On sait ce que c'est être à pied, on sait ce que c'est manger du pain rapide. Est-ce que je la dis, canoncier dans ton gosier, petit fils de. Je vends pas briller, je te remercie. Si tu m'en veux pas, c'est qu'on est quitte. Je te reprends de rang comme le Libanais. Il est pas né, celui qui veut me canner. Je m'en pas, nous on n'est pas comme vous, même si on fait que sans vous canner. Au mic que ma gorge s'enraye, je me survête, Galatasaray. Reste fort, si sur toi ça rit, ici sur ton dos ça braille. Dans la caisse, on écoute de tout, trap du funk ou même du rail. On a des rails, on a des rails, mais on n'a pas à tirer de rail. Imagine, imagine, je suis comme une machine. Je tape même quand j'ai l'engine. Je connais l'enjeu, je regarde pas ta frangine. Je me dis que ça met la guigne, même les képis font le signe. Tu veux de l'amour, y'en a pas. On aime les billets, les Yamaha. Gros gros son pour tous mes gars. Ah. Enjaillement, ils aiment ça. Ah. Et ouais, m'en pas les couilles, ce qu'on dit de moi, ce qu'on dit de nous, ce qu'on dit de toi, ce qu'on dit de vous. On m'appelle le phénomène. Le sang, je sens pas bien, dis-moi c'est pas ça. Ouais, le sang, fais un je te trouve, c'est pas ça. Je suis à Massilia, à la musique, je suis lié. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon poteau, tu fais que crier. 45 AMG, j'aime pochon, je suis tout jaune. Je fais cracher l'engin, j'aime ça depuis tout jeune. Frangine, frangine, je suis une machine, machine. Je t'imagine, imagine, tout c'est magique, magique. Si son cœur c'est de l'eau, je vais naviguer dedans comme un bateau. Bientôt l'album gratos, je vais faire bouger tous mes bateaux. Imagine, imagine, je suis comme une machine, je passe même quand j'ai.